5 continents, des océans pour faire son terrain de jeu. Il a parfois été grand, parfois très courageux. Pour s'adapter, il a construit, il s'est montré inventif. Pour développer, il a produit sans être très attentif. 5 continents, des océans pour fortifier son empire. Parfois, il a tout fait foirer et parfois, il a fait pire. En quête permanente d'évolution, il s'est créé des dilemmes. A cherché trop de solutions et il s'est trouvé des problèmes. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. J'ai vu sur un même trottoir la bienveillance et l'horreur. J'entends des gens tous les soirs, gens qui rient et gens qui pleurent. Et sur la route du progrès, gens qui foncent et gens qui freinent. Je suis fasciné par notre espèce schizophrène. Fabuleux être vivant au cerveau double tranchant, souvent tourné vers le haut mais tiré par ses penchants. Dualité fascinante qui crée des ponts et des ravages, capable du meilleur et capable du plus sauvage. Côté pile et côté face, côté style et côté crasse, en fabriquant les belles avenues, il a créé des impasses. Tant d'intelligence si mal mise à profit, de dérive en excès, c'est lui-même qu'il sacrifie. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. 5 continents, des océans pour courir à sa perte. Il a créé des armes capables de tout faire disparaître. Il est venu, il a vu, il a vaincu la couche d'ozone. Ici la branche sur laquelle il avait posé son trône. Pour aller toujours plus vite et pour produire plus fort, il a abîmé la vie et accéléré la mort. Il a rasé les forêts, pourri la mer et la terre, transformé les climats et capturé les panthères. Il a créé des vaccins mais créé des cancers. Il a créé l'imprimerie mais créé l'arme nucléaire. Il a créé la peinture et les plus belles symphonies. Mais il a créé Trump, Zemmour et Love Story. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Pourtant, il a marché sur la lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Pourtant.